الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. وجوده يحمي, son existence protège. وجوده يغني, et sa générosité enrichit. وعذابه يفني, son châtiment extermine. وعفوه ينجي, mais son pardon sauve. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. قال داود عليه السلام. داود, prière et salut sur lui, dit, en parlant avec Dieu, أسألك أربعا. Ya Rab, أسألك أربعا وأعوذ بك من أربعا. Ô Seigneur, je te demande quatre, de m'accorder quatre, ça veut dire chose, et je demande ta protection contre quatre. As'aluka lisanan dhakiran, je te demande une langue évocatrice. Wa qalban shakiran, et un cœur remerciant. Wa badanan ala al-bala'i sabiran, et un corps qui supporte avec patience les épreuves. Wa zawja. تعينني على أمر ديني ودنياي والزوجة تقول وزوجا يعينني على أمر ديني ودنياي et une femme qui va m'aider dans les affaires de ma religion et dans les affaires de ma vie ici-bas وأعوذ بك من أربع et je demande ta protection contre quatre أعوذ بك من مال يكون وبالا علي ويتمتع به غيري الورثة Et je demande ta protection contre une fortune qui sera un mal pour moi et une jouissance pour autrui. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ سَيِّدًا وَلَمَّا يَصِيرَ الْوَلَدُ أَوْ الْبِنْتُ سَيِّدًا أَوْ سَيِّدَةً عَلَى الْأَبِ أَوْ عَلَى الْأُمِّ فَهَذِهِ عَلَامَةٌ مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ Et je demande ta protection contre un enfant qui deviendra mon maître. وأعوذ بك من جار إذا رأى مني خيرا أنكره. Et je demande ta protection contre un voisin qui, lorsqu'il voit mes bonnes actions, il les cache. Il parle pas de ça. وإذا رأى سوءا أذاعه. Mais lorsqu'il voit des mauvaises, il les diffuse. وأعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب. أو زوجا يشيبني قبل المشيب إذا كانت امرأة وأعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب et je demande ta protection contre une femme qui me fait blanchir ou qui blanchit mes cheveux avant terme Ya Rab Ô mon Seigneur وجهت بصري هنا وهناك j'ai dirigé mon regard là et là-bas وحيثما توجه البصر يلقاك Et là où le regard se dirige, il te trouve. لَيْسَ مَنْ فَقَدَ عَيْنَيْهِ بِأَعْمَى وَلَكِنَّ الْأَعْمَى بِحَقٍ مَنْ لَا يَرَاكَ L'aveugle n'est pas celui qui a perdu la vue, mais le vrai aveugle est celui qui n'arrive pas à te voir. يَا رَبْ وَجَّهْتُ بَصَرِي هُنَا وَهُنَاكَ وحيثما توجه البصر يلقاك ليس من فقد عينيه بأعمى ولكن الأعمى بحق من لا يراك وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. وقف صلى الله عليه وسلم في المقبرة. Il visita une fois le cimetière. فقال لأصحابه, il dit, prière et salut sur lui, à ses compagnons, إني اشتقت إلى أحبابي, إلى أنتم. تخيل الرسول, يقول هذا الكلام عنكم, عنا. إني اشتقت إلى أحبابي. Oh, j'ai hâte de voir mes bien-aimés. قالوا, أولسنا أحبابك يا حبيب الله. Ils dirent, est-ce qu'on n'est pas tes bien-aimés, ô messager de Dieu, ô bien-aimé de Dieu ? قال, بل أنتم أصحابي. Il dit plutôt, vous êtes mes amis. قالوا فمن أحبابك il dit qui sont-ils donc tes bien-aimés. قال il répondit قوم يأتون بعدكم, des gens qui vont venir après vous, يؤمنون بي ولم يروني, et qui croiront en moi sans me voir. سيدي أبا الزهراء يا رسول الله, mère, père de l'éclairée Fatima, ô messager de Dieu. رأيت نور الشمس ونور القمر, j'ai vu la lumière du soleil et celle de la lune. ورأيت نورك أنت يا حبيبه, et j'ai vu ta lumière, ô toi bien-aimé. فوجدت الشمس والقمر يغربان, et j'ai trouvé que la lumière du soleil et celle de la lune disparaissent. ووجدت نورك يا سيدي لا يغيب, et j'ai trouvé que ta lumière, ô maître, ne disparaît jamais. فوا عجبا لمن يعيش في الظلمات, ô quel étonnement pour celui qui vit dans des ténèbres. كيف يدعى لنورك فلا يجيب, comment on l'appelle à ta lumière et il refuse. رأيت نور الشمس ونور القمر ورأيت نورك أنت يا حبيب, فوجدت الشمس والقمر يغربان, ووجدت نورك يا سيدي لا يغيب. فوا عجبا لمن يعيش في الظلمات, كيف يدعى لنورك فلا يجيب. صلى الله عليك يا أمير الأنبياء. Oh, que les prières de Dieu soient sur toi, ô émir des prophètes, au nombre des étoiles du ciel, au nombre des sables du désert, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. Après ceci, mes frères, mes sœurs, en islam, ahbab al-habib Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa azka salam, pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. Takallamna fil juma al-talat al-sabiqa, nous avons parlé lors des trois vendredis précédents, an kayfiyat al-zawaj fil islam, de la méthode du mariage en islam, ou la façon du mariage, wa an al-hayat al-zawjiyya fil islam, et nous avons parlé de la vie conjugale en islam, wa takallamna an thalath amthila aw muthul ulya lizawaj al-islami, et nous avons parlé aussi de trois mariages exemplaires. والزواج يؤدي في الغالب الى الاولاد, et le mariage mène souvent vers les enfants. الزواج باب الاولاد, le mariage est la porte des enfants. ومن اجل ذلك فسأتكلم اليوم عن التربية, تربية الأولاد في الإسلام, raison pour laquelle aujourd'hui je vais aborder l'éducation des enfants en islam. وإننا الآن في عطلة أو في آخر عطلة في آخر العطلة الدراسية. Aujourd'hui on est à la fin de vacances scolaires. وأتمنى أن يكون الأولاد قد ارتاحوا في هذه العطلة. Et je souhaite que les enfants soient bien reposés pendant ces vacances scolaires, ليعملوا جيدا بعدها في المدرسة, afin qu'ils travaillent bien à l'école. ولكن الملاحظ أن الشباب, شباب المسلمين بالخصوص في هذه البلاد, طلقوا حب الدراسة وحب العمل. Mais ce qu'on remarque, les jeunes, sur les jeunes musulmans et surtout dans ce pays, ils ont répudié l'amour des études et l'amour du travail. وأحبوا البطالة والكسل, et ils ont préféré à la place ne rien faire, le chômage et la paresse. لماذا أتساءل؟ لماذا اختاروا أن يعيشوا على هامش الحياة؟ Je m'interroge, pourquoi ont-ils choisi de vivre sur la marge de la vie. لماذا وصلنا إلى هذه الحالة؟ Pourquoi sommes-nous arrivés à cette situation؟ الجواب هناك عدة أسباب. La réponse, il y a plusieurs raisons. ومن بين هذه الأسباب, et parmi ces raisons, التربية. أو قل عدم التربية. La première cause, c'est l'éducation, ou bien si on veut bien parler, on va dire, le manque d'éducation. Bimana an al-aba lam yaqumu biwajibihim. Ceci signifie que les parents n'ont pas accompli leur devoir. Wa huwa tarbiyat al-awlad, qui est l'éducation des enfants. Bimana an akhta al-shabab allati naraha al-yawm hiya fil haqiqa akhta lil-aba. Ça veut dire les fautes qu'on voit aujourd'hui, ces fautes des jeunes d'aujourd'hui, en quelque sorte, ce sont des fautes des parents. Fashal al-shabab alladhi nara, l'échec des jeunes qu'on est en train de voir aujourd'hui, huwa fashal lil-aba, il s'agit vraiment d'un échec des parents. Fashal lil-murabbin, un échec des éducateurs. Wa uhibbu an aqula huna kalima, et j'aime dire là un mot. بأن أصعب مهمة في العالم أخطر مهمة في العالم هي مهمة التربية أو مهنة التربية. J'aime dire là que la mission la plus difficile dans le monde, la plus dangereuse dans le monde, est la mission de l'éducation. Éduquer quelqu'un, faire quelque chose de bien à partir d'un petit. هي أن تكون أبا. La mission la plus difficile, c'est de le fait d'être un père. هي أن تكون أما, c'est le fait que tu sois une mère. أصعب شيء هو الزواج. La chose la plus difficile est le mariage. الإنسان لا يلقى أو لا يتلقى دروسا في حياته. L'individu ne reçoit pas des cours ou des leçons dans sa vie. عن الزواج, à propos du mariage. وليس هناك مادة دراسية اسمها الزواج وتربية الأولاد. Et il n'y a pas une matière ou une discipline scolaire qui s'appelle le mariage ou l'éducation des enfants. علموهم كل شيء حتى طريقة الجنس ولم يعلموهم ما هو أهم. Ils leur ont appris toute chose, même la sexualité, et ils ne leur ont pas appris l'essentiel, qui est le mariage et l'éducation. الإنسان لم يتعلم شيئا في حياته عن الزواج ولا التربية. L'homme ou l'individu n'a rien appris pendant toute sa vie, c'est-à-dire avant le mariage, n'a rien appris à propos du mariage, quelque chose à propos du mariage ou à propos de l'éducation. وفي يوم من الأيام, et un de ces jours, يجد نفسه متزوجا, il se trouve marié. أمام امرأة, devant une femme, ou amama rajul, imra'a amama rajul, ou le contraire, une femme qui se trouve mariée devant un mari, devant un homme, fi baytin wahid, dans un même foyer, wa huwa la ya'rif kayfa yata'amal ma'aha, il ne sait pas comment doit-il se comporter avec elle, wa yabda kull wahid fi muhawalat, et chacun va commencer des manœuvres, rubbama la tanjah, qui peut-être n'aboutissent pas. وَيَبْدَأْ كُلْ وَاحِدْ يَتَعَلَّمْ مِنْ أَخْطَائِهِ, et chacun commence à apprendre à partir de ses propres fautes et erreurs. وَهَكَدَ, et ainsi de suite. كَرَجُلْ نَرْمِيهِ فِي الْمَا وَهُوَ لَا يَعْرِفَ السِّبَاحَ, comme un homme qu'on jette à l'eau et il ne sait pas nager. وَنَقُولُ لَهُ إِسْبَحْ, et on lui dit nage. ولهذا كثيرا ما يحصل الطلاق في بداية الزواج, raison pour laquelle souvent il y a le divorce qui vient juste après le mariage. وكذلك الإنسان في يوم من الأيام يجد نفسه أبا أو أما. De la même manière, l'individu, un de ses jours, se trouve comme père ou comme mère. وهو لا يعرف شيئا عن التربية, et il ne sait pas éduquer, il n'a pas appris à éduquer. وكل واحد يربي أولاده, et chacun va élever et éduquer ses enfants حسب ما يظنه هو الصواب, selon ce que lui il pense juste. وربما ما يظنه الصواب هو خطأ, et peut-être ce que lui il pense juste c'est faux. ولهذا أصعب مهمة هي الزواج أو التربية, raison pour laquelle on peut répéter et dire que la mission la plus difficile est le mariage ou bien l'éducation. ولكن في نفس الوقت أشرف مهمة الزواج أو التربية. Mais en même temps, la mission la plus noble dans le monde, c'est le mariage et l'éducation. ولهذا فالإسلام جعل من الزواج عبادة. Et pour cette raison, l'islam a fait du mariage une adoration. وجعل من التربية عبادة. Et il a fait de l'éducation une adoration de Dieu. اسمعوا إلى الجائزة. Écoutez avec moi la récompense. قال صلى الله عليه وسلم. Il dit prière et salut sur lui. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Quand l'enfant, le fils d'Adam meurt, ses actions s'arrêtent, sauf dans trois cas. Sadaqatin jariya, une aumône permanente. Ou ilmin yuntafa'u bihi, ou un savoir, ou bien une science utile, ça veut dire pour les autres. Ou waladin salihin yad'u lah, ou un fils, bien sûr, ou une fille vertueux, qui va faire pour lui des prières. Rawahu l'imam muslim, rapporté par l'imam muslim. Fara'su malik, في حياتك أو بعد موتك هو الولد ذلك الولد الذي ربيته تربية صحيحة. Donc ton capital pendant ta vie ou bien même après ta mort, c'est cet enfant que tu as bien élevé, que tu as bien éduqué. ليقول لله تعالى وتبارك في كبرك لما تكون في الكبر في الشيخوخة أو يقول لله بعد موتك, afin que cet enfant bien élevé, cet enfant vertueux va dire à Dieu à propos de toi à ta vieillesse ou même après ta mort. يقول هذه الآية الكريمة, il va dire ce verset coranique, ربي ارحمهما كما ربياني, من أجل تلك التربية كما ربياني صغيرا. فمن ربى كثيرا من ربى جيدا ستكون رحمة الله له كثيرة مثل التربية, ومن قصر في التربية فرحمة الله ستكون كذلك قصيرة وقليلة له. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. Seigneur, accorde leur ta miséricorde comme ils m'ont élevé enfant. Ça veut dire ta miséricorde pour eux aujourd'hui sera proportionnelle à l'éducation qu'ils m'ont assurée lorsque moi je savais rien, lorsque j'étais enfant. Voilà, salihin yad'u lah, un enfant vertueux qui va lui faire des prières. Al-awladu ni'ma, les enfants sont une grâce. Idha rubbu tarbiya sahiha, lorsqu'ils reçoivent une éducation correcte, juste. Al-awlad tariqun ila al-jannah, les enfants constituent un chemin vers le paradis. Dakhalat imra'a ala Aisha ridwanullahi alayha, une femme est venue visiter l'épouse du prophète Aisha, que Dieu soit satisfait d'elle, wa ma'a ibnatani, accompagnée de deux filles. Tas'al, elle est en train de demander quelque chose pour elle et ses deux filles. Falam tajid 'inda Aisha إلا طمرة واحدة. في بيت النبي لم يكن هناك الفريجيدير, يعني فيه موز وفي تفاح وفي يعني برتقال وفي ولحوم إلى غير ذلك, ما عندنا نحن الآن. لا, في بيت النبي صلى الله عليه وسلم طمرة واحدة. Et elle n'a trouvé dans la maison du prophète, prière et salut sur lui, qu'une seule date. Il n'y avait pas un réfrigérateur plein de bananes, de viande et d'autres choses, et de boissons, etc. Il y avait une seule date. فَأَعْطَتْهَا إِيَّهَا. Et Aïcha a donné la date à cette pauvre. فَقَسَمَتْهَا الْأُمْ بَيْنَ إِبْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا. Et la mère a partagé la date entre ses deux filles, et elle n'a pas goûté de cette date. وَذَهَبَتْ. Et elle est partie avec ses filles. فأخبرت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. Et Aïcha, notre mère, que Dieu soit satisfait d'elle, a informé par la suite le prophète, prière et salut, de ce qu'elle a vu. قال النبي عليه الصلاة والسلام, le prophète, prière et salut sur lui, dit إن الله قد أوجب لها الجنة. Dieu lui a donné comme récompense, c'est-à-dire de cette action, le paradis. أو أعتقها بها من النار, ou bien il l'a délivré grâce à cette action de l'enfer. رواه مسلم. raconté par l'imam Muslim. Et dans une autre version, وفي رواية أخرى وهي متفق عليها البخاري ومسلم, قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء, celui qui sera mis à l'épreuve par un certain nombre de ses filles, فأحسن إليهن, et il se comporte bien avec elles, كن له سترا من النار, elles deviendront pour lui un voile, c'est-à-dire ses filles deviendront pour lui un voile contre l'enfer. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. Al-awlad wal-banat tariq ila al-jannah. Les enfants sont un chemin qui mène vers le paradis. Walakin al-awlad amana ilahiyya 'inda al-aba, mais en même temps les enfants constituent un dépôt divin chez les parents. قال النبي صلى الله عليه وسلم للبروفيت بريير ايسا sur lui dit ما من مولود الا يولد على الفطره, chaque enfant né selon la fitra, la fitra c'est la disposition naturelle à être musulman, وابواه يهودانه, et ce sont ses pères, ses parents qui vont faire de lui un juif, او ينصرانه, ou vont faire de lui un chrétien, او يمجسانه, ou bien ils vont faire de lui un adorateur de feu. رواه مسلم, rapporté par l'imam Muslim. Allah أعطاك الأولاد, Dieu t'a donné les enfants. أعطاك الأمانة على الفطرة, il t'a donné les enfants à l'état de la fitra, la disposition naturelle pour devenir musulman. أعطاك الأولاد على الإسلام, il t'a livré les enfants à l'état d'islam. وعليك أن تحافظ على الأمانة, et tu dois préserver le dépôt que Dieu t'a confié. إذا ابتعد الأولاد عن الدين لنقص في التربية, si par la suite les enfants s'éloignent de la religion par un manque, par une carence dans l'éducation, فقد ضيعت الأمانة الإلهية, tu auras négligé le dépôt divin. ماذا تقول لله لما تقف أمامه, que vas-tu dire à Dieu lorsque tu t'arrêteras devant lui, ويسألك عن الأمانة, et il va t'interroger ce jour-ci à propos du dépôt. الأولاد طريق إلى الجنة, les enfants sont un chemin vers le paradis, ولكنهم مسؤولية, mais en même temps ils représentent une lourde responsabilité. يقول النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et sage lui dit, كلكم راع, chacun de vous est responsable, est un responsable, وكلكم مسؤول عن رعيته, et chacun de vous sera interrogé à propos de sa responsabilité, والأمير راع, l'émir est un responsable, والرجل راع على أهل بيته, l'homme est responsable à propos des membres de sa famille, والمرأة راعية على بيت زوجها وولده, et la femme est responsable dans le foyer de son mari ou à propos du foyer de son mari, de ses enfants, فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته, donc chacun de vous est un responsable et chacun de vous sera interrogé, ça veut dire par Dieu, à propos de sa responsabilité. متفق عليه, unanimement authentique. إذن donc l'éducation, si on sera interrogé à propos de l'éducation, ça veut dire l'éducation est une adoration. Kassalat, wazakat, wassiyam, une adoration exactement comme la prière, le jeûne ou la zakat, ou le pèlerinage, wassu'ad. Fahal murabbi kama nurid, la question que je pose, doit-on éduquer comme nous on veut? Al-jawab, la réponse, non. لماذا؟ Pourquoi؟ لأننا لا نصلي كما نريد. Parce qu'on ne peut pas prier comme nous on veut. ولا نحج كما نريد. Et on ne fait pas le pèlerinage comme nous on veut. بل كما أراد الله, mais plutôt comme Dieu a voulu. إذن فعلينا أن نربي الأولاد كما أراد الله. Donc on doit élever, éduquer les enfants comme Dieu l'a voulu. أيها الإخوة والأخوات, mes frères et mes sœurs, التربية في الإسلام صرح يبنى على عدة ركائز. L'éducation en islam est un édifice qui se construit sur plusieurs piliers. والوقت لا يسمح لذكر كل هذه الركائز. Le temps ne me permet pas de citer tous les piliers. ولهذا سأقتصر اليوم على بعضها, raison pour laquelle aujourd'hui je me contente de citer quelques piliers. أولا, premièrement, القدوة الصالحة, le modèle vertueux, الذي يريد أن يربي, celui qui cherche à éduquer quelqu'un, فعليه أن يبدأ بنفسه, il doit commencer par soi-même, الذي يريد أن يربي, celui qui veut éduquer, فعليه أن يربي نفسه أولا. Il doit s'auto-éduquer d'abord. Il doit éduquer sa propre personne avant d'éduquer. تعلم كي تربي. Apprends afin que tu éduques. فالمثل العربي يقول, l'exemple arabe dit, فاقد الشيء لا يعطي. Celui qui ne possède pas la chose ne peut pas l'offrir. فالطفل يحتاج في حياته إلى قدوة يقلدها. L'enfant à bas âge a toujours besoin dans sa vie un modèle à suivre, à imiter. وأول قدوة أمامه هي الوالدين. Et le premier modèle qui se dresse devant lui sont les parents, ça veut dire son père et sa mère. إذا رأى والده يصلي, s'il voit son père faire la prière, يقلده في الصلاة منذ ثلاث سنوات. Il va l'imiter dans la prière à partir de 3 ans, ou même avant. وَإِذَا رَأَهُ يُدَخِّنْ, mais s'il le voit fumer des cigarettes, يُقَلِّدْهُ فِي التَّدْخِينِ, il va l'imiter dans la cigarette, il va prendre n'importe, un crayon, n'importe, et il va faire comme s'il fume comme son père. بِأَيِّ شَيْءٍ وَجَدَهُ مُنْدُ ثَلَاثِ سِنِينَ, et ceci à partir de 3 ans. الأب إذا كان لا يحافظ على الصلاة أو لا يصلي, le père qui ne respecte pas les horaires de la prière, le père qui ne fait même pas la prière, كيف سيتعلم الولد الصلاة؟ Comment son fils va-t-il apprendre la prière؟ الأب الكاذب, الأب الكاذب أو الأم الكذابة, كيف يربي ولده على عدم الكذب؟ Ce père menteur, comment va-t-il apprendre ou éduquer son fils ou sa fille à ne pas mentir ? الأب الذي يشرب الخمر, le père qui consomme le vin. كيف يشرح لولده بأن الخمر حرام وأن الخمر ضار بالجسم إلى غير ذلك ? Comment va-t-il, celui qui boit l'alcool ou le vin, comment va-t-il expliquer à son fils ou à sa fille que le vin est nuisible et interdit ? سيقول الطفل في نفسه, لو كان كلام أبي حقا لطبقه هو الأول. Si les paroles de mon père sont vraies, il les appliquerait lui-même le premier. الأب قليل الأدب. كيف يكون ولده مؤدبا؟ Un père impoli, grossier, qui ne fait sortir par sa bouche que des gros mots. Comment va-t-il apprendre à son fils de ne pas dire les gros mots? Comment va-t-il à son fils ou à sa fille d'être poli? الأب القاسي, الأب القاسي, كيف يكون ولده رحيما؟ Le père dur, qui n'a pas de pitié, comment son fils sera clément et aura une pitié? الولد كالإناء الفارغ, يعطيه الله لك إناء فارغا وأنت تملأه بما تحب وما تريد. L'enfant ressemble à un récipient vide. Dieu te livre le récipient vide et c'est toi qui vas mettre dans le récipient à bas âge ce que tu veux. الأب الذي يرى الحرام في التلفزة, le père qui voit l'interdit dans la télévision, كيف يقول لابنه أو لابنته, comment va-t-il dire à son fils ou à sa fille, لا ترى أنت, toi tu ne peux pas voir, حلال علي حرام عليك, c'est licite pour moi, c'est halal pour moi, mais attention, pour toi c'est haram. هذه هي التربية. Est-ce que c'est ça l'éducation? القدوة ضرورية في التربية. Le modèle, l'exemple est nécessaire dans le domaine de l'éducation. ولهذا دخل الناس في دين الله أفواجا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, raison pour laquelle les gens sont entrés en islam groupe après groupe par vagues successives à l'époque du prophète, prière et salut sur lui, لأنه كان قدوة عالية, parce qu'il fut un grand ou un haut modèle, un modèle suprême pour eux. قالت عنه عائشة رضي الله عنها, notre mère Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, dit à propos du prophète, prière et salut sur lui, كان خلقه القرآن, le Coran était son caractère. كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي أمام الناس. Il était un Coran qui marchait devant les gens. ترك الناس أهلهم وبلادهم وأموالهم. Les gens ont abandonné leur patrie, leur famille, leur fortune, leur famille. واتبعوا, et ils l'ont suivi. وهاجروا إليه, et ils ont voyagé vers lui. لأنهم وجدوا فيه القدوة, parce qu'ils ont trouvé en lui le modèle. والطفل إن لم يجد القدوة في أبيه وأمه, et l'enfant à bas âge, s'il ne trouve pas le modèle à suivre dans son père, dans sa mère, فسيحاول أن يجدها في الخارج, il va chercher le modèle à l'extérieur. في الشباب الضالين ربما, peut-être dans les jeunes égarés, il va prendre des jeunes égarés à modèle à lui. وسيرفض والديه, et il va refuser ses parents. مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم, une fois le prophète prière et salut sur lui, marchait dans les rues de la Mecque, كان يمشي في شوارع مكة, فنادت عليه امرأة عجوز لا تعرفه, et une dame vieille l'a appelé ou l'appela, et elle ne le connaissait pas. Ya waladi, ô mon fils, احمل علي هذا الحمل, porte sur moi ce poids ou ce sac lourd. فحمله النبي صلى الله عليه وسلم على كتفه في مكانها ولم يحمله عليها. Et le prophète prière et salut sur lui l'a porté sur son dos au lieu de le porter sur le dos de la vieille dame. فلما وصل إلى بيتها, lorsqu'ils arrivèrent devant chez elle, ووضع الحمل, et il posa le poids, قالت له, la vieille dame lui dit, يا أخ العرب, ô frère arabe, إنك لعلى خلق عظيم. Certes, tu jouis d'une très haute moralité. ولكني أوصيك وصية, mais je vais te donner un conseil. لقد ظهر في مكة رجل اسمه محمد يدعي النبوة, فلا تصدقه ولا تتبعه. Il est apparu dans la Mecque un homme qui prétend être prophète, qui s'appelle Mohammed. Ne crois pas en lui et ne le suis pas. فقال لها, le prophète prière et salut lui dit, ألا تعلمين من أنا يا أمة الله؟ Ne sais-tu pas qui suis-je, ô servante de Dieu؟ أنا محمد رسول الله. Je suis Muhammad, je suis le messager de Dieu. فقالت له, أأنت أنت؟ أأنت هو؟ Elle lui dit, c'est toi, lui؟ فقال لها, أنا هو. Et il lui dit, c'est moi, lui. فقالت العجوز, et la vieille dame lui dit, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, et j'atteste que tu es le messager de Dieu. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد, عباد الله, après ceci serviteur de Dieu, بعد القدوة نمر إلى الركيزة الثانية في التربية. Après le modèle, on passe au deuxième pilier, وهو الحوار بين الآباء والأبناء, qui est le dialogue entre les parents et les enfants. وإن شاء الله مؤتمر هذه السنة في مسجدكم هذا سيحمل عنوان الإسلام دين الحوار, وسيكون إن شاء الله في شهر ماي القادم. Le deuxième pilier s'appelle le dialogue entre les parents et les enfants. Je vous informe que le congrès de cette année, dans cette mosquée, sera intitulé l'Islam, religion de dialogue. Al-Hiwar bayna al-aba wal-abna, le dialogue entre les parents et les enfants. Hadha al-Hiwar mafqoud al-yawm, ce dialogue aujourd'hui est inexistant. جاءني رجل وقال لي, un homme est venu me voir pour me dire, لا أستطيع أن أتكلم مع ولدي, je ne peux plus parler avec mon fils. فإنه لا يتحمل أن يسمع كلامي, il ne supporte pas écouter mes paroles. باب الحوار مسدود, la porte du dialogue est fermée. أقول جدي أيها الإخوة، نحن الذين نغلق باب الحوار منذ صغر الأطفال لا نسمع لهم. Ce sont nous qui avons fermé la porte du dialogue depuis le bas âge de nos enfants parce qu'on les écoutait pas. لا نشرح لهم. On leur expliquait pas. فإذا صاروا مراهقين لا يسمعون لنا. Et lorsqu'ils deviennent à leur tour des adultes, ils vont pas nous écouter. تجد الآباء والأبناء يعيشون في بيت واحد. Tu trouves que les parents et les enfants vivent ou en train de vivre dans le même foyer, وهم كالغرباء. Et ils sont comme des étrangers les uns par rapport aux autres. الآباء يتكلمون وحدهم. Les parents parlent entre eux. والأطفال يتكلمون وحدهم. Et les enfants parlent entre eux. وربما ليس هناك حوار حتى بين الزوج وزوجته. Et parfois il n'y a même pas un dialogue entre le père et sa femme. يعني تجد الزوجة تسمع الأخبار من الناس. ما يقوم به زوجها يأتيها الخبر وهي آخر من يعلم. أو العكس. Parfois, il n'y a même pas un dialogue entre le père et sa femme. La femme découvre des informations et elle est la dernière à les découvrir. Elle va découvrir les informations de son propre foyer ou de son propre mari de la part de ses copines. إذا كان الحوار مفقودا بين الأب وابنه. Si le dialogue n'existe pas entre le père et son fils, فالابن سيحكي مشاكله لأصدقائه. Le fils va raconter ses problèmes à ses amis, للأجانب, aux étrangers, بدل أن يتكلم مع أبيه, au lieu de dialoguer avec son père. والبنت ستحكي مشاكلها لصديقاتها. Et la fille va raconter ses problèmes à ses copines, بدل أن تحكي مشاكلها لأمها, au lieu de raconter ses problèmes à sa mère. الأباء لن يعرفوا شيئا عن الأبناء. Les pères ne sauront rien sur les enfants. والأبناء سيحافظوا على أسرارهم لأن الأباء ليسوا في مستوى الحوار. Et les enfants vont garder bien leurs secrets parce que les parents ne sont pas au niveau du dialogue. الطفل منذ صغره يأتي عند أبيه. L'enfant à bas âge, il vient chez son père. ليحكي له ما يجري في المدرسة, afin de lui raconter ce qu'il voit, ce qui se passe à l'école même maternelle. والأب لا يعطي فرصة الحوار. Et le père ne lui donne même pas la chance ou l'occasion du dialogue. إِمَّا لَا يُعْطِي قِيمَ لِكَلَامِهِ. Soit il ne donne pas d'intérêt à ses paroles, mais c'est un petit. وَإِمَّا يَصْرُخُ فِي وَجْهِهِ قَائِلًا. Ou bien il va crier devant le visage de son petit. لِمَدَ فَعَلْتَ هَذَا. Pourquoi tu as fait ceci? هَذَا حَرَامٌ. C'est haram. وَرُبَّمَا يَضْرِبُهُ. Et peut-être il va le gifler. وَالطِّفْلُ بَرِيءٌ. Et l'enfant est innocent, bien non, la ya'rif, parce qu'il ne sait pas, il ne connaît rien encore. فيقول الطفل في نفسه. Et l'enfant va dire intérieurement, والله من اليوم لا احكي لوالدي شيئا. Par Dieu, à partir d'aujourd'hui, je vais rien raconter à mon père. أيها الإخوة, لسنا في مستوى الحوار. Mes frères et mes sœurs, on n'est pas au niveau du dialogue. حتى في البرامج التي تقدم لنا. Même dans les émissions qu'on nous présente. في القنوات العربية, dans les chaînes paraboliques arabes. كلما كان هناك حوار تلفزي. À chaque reprise qu'il y a un débat télévisé entre deux personnes, بين شخصين, رأيت صراخا. Tu vois des cris, des hurlements, وأيدي ترتفع, des mains qui se lèvent, وقلة أدب, et un manque de politesse. والله يقول, et Dieu dit, ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. Appelle à la voix de ton Seigneur par la sagesse et la bonne parole. وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه مع الآخرين, فكيف مع أولادك وزوجتك؟ وجادلهم بالتي هي أحسن. Et discute avec eux de la bonne ou de la façon la plus douce. الإسلام يعطينا أمثلة رفيعة للحوار بين الآباء والأبناء. L'Islam nous donne de haut exemple suprême ou meilleur de dialogue entre les pères et les enfants. قال تعالى, Dieu dit dans un verset, tout le monde le connaît. Il قال يوسف لأبيه. Quand Joseph dit à son père, يوسف طفل صغير, ورغم ذلك يحاور أباه. جوزيف un enfant à bas âge. Malgré ceci, il dialogue avec son père. يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر. Cher père, j'ai vu en rêve 11 planètes ainsi que le soleil et la lune. يكون واحد منا يقول له هاي روح حالك تحكي لي انت القمر شوف هادشي هاي روح. رأيتهم لي ساجدين. Je les ai vus prosternés à mes pieds. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. أجابه يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. Il dit mon petit ne raconte pas ton rêve à tes frères car il pourrait te jouer un mauvais tour. لم يقل يعقوب عليه السلام لابنه إنها خرافات. Jacob prier et sagesse. Il n'a pas dit à son petit il s'agit de mythologie ou de n'importe quoi. ولم يعطيه قيمة. Au lieu il n'a ou bien est-ce qu'il, ou bien il n'a pas donné beaucoup d'intérêt à ce qu'il a dit. Non. لا ساعد il l'a aidé. فيوسف عليه السلام يريد جوابا. Joseph prier et sagesse. Il cherchait une réponse. وأبوه أعطاه هذا الجواب. Et son père lui a donné cette réponse. Je vous donne un deuxième exemple. Mana Ibrahim alayhi salam. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Il dit, ça veut dire Abraham, mon petit, je me vois en rêve en train de t'égorger. Vois ce qu'il y a lieu de faire. فانظر ماذا ترى قال إسماعيل ابن قال يا أبتي افعل ما تومر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Il dit, ça veut dire Ismaël, père, fais ce qu'on t'ordonne et tu me trouveras si Dieu le veut de ceux qui se montrent patients. حوار صعب, un dialogue difficile, في ظروف صعبة, dans des conditions difficiles. أب مأمور من الله بقتل ابنه بيديه. Un père qui a reçu l'ordre de la part de Dieu d'égorger son fils avec ses propres mains. ومع ذلك يحاوره. Et malgré ceci, il est en train de nouer un dialogue avec lui. هكذا يعلمنا الإسلام الحوار. Ainsi l'Islam nous enseigne le dialogue. شاب يجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم. Un jeune qui s'assit devant le prophète prière et sur lui, il y a qu'on l'a pour lui dire, un jeune va dire au prophète, écoutez ce qu'il va dire. Idhan li bizina ya Rasulallah. Autorise-moi l'adultère, ô messager de Dieu. Fahadim al-Sahaba, les compagnons se sont mis rapidement en colère. Walakin al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète prière et sur lui dit, qala lahum, khallu bayni wa baynahu. Laissez-nous ensemble, laissez-nous tranquilles, moi et lui. وقام معه بحوار كله حكمة. Il a noué un dialogue entre lui et le jeune, un dialogue plein de sagesse. ليس فيه قوة ولا غلظة. Un dialogue sans violence, sans grossièreté. ولا صراخ, sans cri. ولا ضرب, sans frapper. ولا سب, et sans insulte. شاب يريد الزنا. Un jeune qui cherche à faire l'adultère. تخيل ابنك أو ابنتك يقول لك هذا الكلام. يا أبي اسمح لي بالزنا. Imagine ton fils ou ta fille à l'âge 18 ans qui te dit cher père autorise-moi à faire l'adultère. قال له النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète prière et sagesse lui dit أفترضه لأمك. L'acceptes-tu, ça veut dire l'adultère, l'acceptes-tu pour ta maman? لا يا رسول الله. Oh non mon messager de Dieu. أفترضه لأختك. L'acceptes-tu pour ta sœur? Non, messager de Dieu. La ya Rasulallah. Afatardahu libnatik. L'acceptes-tu pour ta fille? La ya Rasulallah. Non, messager de Dieu. Ja'alani Allahu fi dhaka. Que Dieu fasse de moi une protection pour toi. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète prière et sagesse lui dit: Fakayfa tarda linnas ma la tardahu li nafsik. Comment acceptes-tu pour les gens ce que tu n'acceptes pas pour toi-même? Hiwar bil hikma. Un dialogue avec la sagesse. فقال الشاب et le jeune dit اسأل الله أن يهديني يا رسول الله. Ô messager de Dieu, demande à Dieu de me guider vers la bonne direction. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète prière et sagesse lui a fait des prières. اللهم حصن فرجه. Ô mon Seigneur, préserve son organe génital. Wa tahhir qalbahu, et purifie son cœur. Wa ghfir dhanbahu, et pardonne son péché. Qala ash-shabu, le jeune dit, fa kharajtu min 'indi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wa laysa ahadun 'ala wajhi al-ardi ahabba ilayya min Rasulillah. Et j'ai quitté le messager de Dieu, il n'y avait plus sur terre ce jour quelqu'un plus aimé à moi que le messager de Dieu. Ar-rakiz al-thalitha, le troisième pilier, hiya ad-du'a. La prière. Comme a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec le chef al-munharif. Exactement comme le prophète l'a fait avec le jeune égaré. Fatouha, soulah, silah, ah oui, les prières sont une arme puissante. Mais on n'utilise pas cette arme qui est la prière, l'invocation. Et lorsqu'on utilise cette arme qui est la prière, on n'utilise pas avec sincérité. La prière a besoin toujours de vertu et de sincérité. Peut-être le bon modèle ne sert pas. Et peut-être le bon dialogue ne sert pas avec l'un des enfants. Dirige-toi, mon frère ou ma sœur, avec toute sincérité vers Dieu. Avec des larmes aux yeux. Et sois sûr et certain que Dieu ne refuse pas ta prière. Lorsque, frère ou sœur, tu échoues dans l'éducation de l'un de tes enfants, après avoir produit tous les efforts possibles de ta part, rappelle-toi de la parole sainte de Dieu dans le verset coranique, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Certes, tu ne guides pas celui que toi tu aimes, mais c'est Dieu qui guide celui qui il veut. توجه يا أخي في صمت وخشوع. Dirige-toi, frère, dans un silence et recueillement. وإخلاص ودموع, avec sincérité et larmes. إلى الهادي, vers l'orientateur. إلى المربي, vers l'éducateur. أيها الإخوة, mes frères et mes sœurs, من ربى إبراهيم, qui a éduqué إبراهيم عليه الصلاة والسلام, وأبوه صانع وبائع الأصنام, et le père d'Abraham était le fabricant et le vendeur des idoles. Man rabba Moussa alayhi salam, qui a éduqué Moïse, prière et salut sur lui. Wa qad nasha'a fi qasr Fir'aoun, Moïse qui a grandi dans le palais royal de Pharaon. Man rabba Yusuf alayhi salam, qui a éduqué Joseph, prière et salut sur lui. Wa qad nasha'a ba'idan an abi, qui a grandi très loin de son père. Man rabba al-habib Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, qui a éduqué le bien-aimé Muhammad, prière lui qui était orphelin et toute la Mecque adorait les idoles. Frère, sœur, quand tu ressens l'échec, dirige-toi rapidement vers lui, vers Dieu. Dirige-toi seul vers le très fort. توجه إلى الذي يقلب قلوب العباد كيف يشاء. Dirige-toi vers celui qui a la capacité, la faculté de tourner les cœurs de ses serviteurs et de ses créatures comme lui il veut. الركيزة الرابعة والأخيرة, le quatrième et dernier pilier, العفو وقبل وقبول الخطأ وتصحيحه بالتوبة, le pardon, pardonner, accepter la faute de l'enfant et la corriger par le repentir. Dawa'ul khata huwa at-tawba. La, le remède, le médicament si vous voulez de la faute, c'est le repentir. Qala sallallahu alayhi wa sallam, kullu bani adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Tous les enfants d'Adam sont des pécheurs et les meilleurs des pécheurs sont les ceux qui se repentent ou s'en repentent. Idha qama bil khata, lorsque ton fils fais le péché ou la faute. Et إذا قامت ابنتك بالخطأ, si ta fille commet le péché ou la faute, دلهما على دواء التوبة الصادقة, montre-leur le remède du repentir sincère. لا بد من أخطاء, il est nécessaire de commettre des fautes. بالأخطاء نتعلم, avec les fautes on apprend. لا تقل لأولادك, ne dis pas à tes enfants, أنتم مطرودون, vous êtes chassés. أنتم لستم أولادي من الآن. Vous n'êtes plus mes enfants à partir d'aujourd'hui. Ne dis pas ça. هذا خطأ أكبر من أخطائهم. Là, tu commets une erreur qui dépasse la leur. الأحسن أن يبقوا معك. Il est préférable qu'ils restent avec toi. ساعدهم شيئا فشيئا. Aide-les petit ou petit à petit. Les rejoins إلى الله afin de revenir vers Dieu. استعمل معهم الحب الأبوي. Utilise avec eux l'amour paternel, الرحمة الإلهية, la clémence divine, الحوار الطيب, le bon dialogue, الدعاء المخلص, les prières sincères. أما إذا تركتهم يخرجوا من غير رجعة, mais dans le cas où tu les laisses partir de chez toi sans jamais revenir, فإنك تدفعهم للمزيد من المعاصي. Tu vas les pousser à plus de péchés et de désobéissance. وربما للكفر, et peut-être tu les pousses à la mécréance. الأحسن أن يقوموا بالمعاصي وهم مسلمين أو يصيروا كفار. Est-ce qu'il est préférable qu'ils commettent des péchés en étant musulmans ou est-il mieux de devenir qu'ils deviennent des mécréants? وتذكر يا أخي أن أولاد الأنبياء عليهم السلام رغم أنهم تربوا من طرف الأنبياء. Et rappelle-toi frère ou sœur que les enfants des prophètes, malgré qu'ils furent ou qu'ils étaient éduqués de la part de prophètes, il y a parmi eux celui qui a commis le péché. Al-Khata al-Kabir, le grand péché, et non pas le petit péché. Walad Nuh, alayhi salam, alladhi asa aba, le fils de Noé qui a désobéi à son père. Walad Adam, alayhi salam, alladhi qatal akha, le fils d'Adam qui a tué son frère. Awladi Yaqub, les enfants de Jacob, الذين حاولوا قتل أخيهم يوسف عليه السلام, qui ont cherché, qui ont essayé à tuer leur frère Joseph, ورموه في البير, et l'ont jeté dans le puits, وكذبوا على أبيهم, et ils ont raconté des mensonges à leur père, ورغم ذلك عفا عنهم أبوهم, malgré tout ce qu'ils ont fait, leur père leur a pardonné, وعفا عنهم أخوهم يوسف عليه السلام, et leur frère Joseph leur a pardonné aussi. أيها الإخوة والأخوات, البيئة التي نعيش فيها, mes frères et mes sœurs, l'environnement dans lequel on vit actuellement, أصعب من التي عاش فيها أولاد الأنبياء, est plus difficile et plus dur l'environnement d'aujourd'hui que celui dans lequel les enfants des prophètes ont grandi. بيئة اليوم فيها مغريات كثيرة. L'environnement d'aujourd'hui contient beaucoup de séductions, beaucoup d'attractions. ويجب أن نفهم الأولاد. Et on doit comprendre les enfants. ونرحمهم. On doit être clément. On doit avoir pitié envers les enfants d'aujourd'hui. كانت هذه بعض الركائز من بين الركائز الكثيرة التي تعتمد عليها التربية في الإسلام. C'était là quelques piliers parmi les nombreux piliers sur lesquels se base l'éducation en islam. وفي الأخير أقول يا لفن جدي أخي أختي frère, sœur, أولادك جزء منك. Tes enfants sont une partie de toi. La tatrukhum yadhi'u mink. Ne les néglige pas. Ne les laisse pas se perdre de toi. Waf'al kull juhdik lilhifadhi 'alayhim. Et fais tout ton possible afin de les préserver près de toi. On nas'alu Allah at-tawfiq, et on demande à Dieu de l'aide. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina wal-'afwa wal-'afiya fi ad-din wad-dunya wal-akhirah. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا من لا إله إلا أنت, نسألك في هذا اليوم ونلح عليك أن تجيب دعاءنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا من لا إله إلا أنت, نسألك في هذا اليوم أن تحفظ أولاد المسلمين وبنات المسلمين. اللهم اجعل من أولادنا وبناتنا مسلمين ولا تجعل منهم لا كفار ولا مشركين. اللهم أعنا على تربيتهم. اللهم إنا ضعفاء وإنهم ضعفاء وأنت القوي. اللهم أرنا قدرتك في تربية أولادنا. اللهم رد أولادنا وبناتنا جميعا إلى المساجد وأبعدهم من المقاهي ومن الملاهي برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب لا تجعل فتنتنا في أولادنا وبناتنا. يا رب نسألك لا تجعل فتنتنا في أولادنا ولا في بناتنا يا رب العالمين. يا رب نسألك في هذا اليوم, هناك إخوة لنا في في فلسطين وفي العراق وفي غير ذلك من البلاد. اللهم إنك تنظر إليهم وهم يموتون واحدا بعد الآخر. اللهم نسألك شيئا واحدا في هذا اليوم، اللهم ارحمهم يا رحمن يا رحيم، ارحم إخوتنا يا رحمن يا رحيم، أرنا عجائب رحمتك فيهم. اللهم ارفع عنهم الأذى، اللهم ارفع عنهم الضرر. يا سلام، أنزل عليهم السلام، أنزل عليهم الرحمة والأمان والسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك في هذا اليوم العظيم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.